إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc aujourd'hui c'est le cours 31 dans la série des durus al-mulakhas al-fiqhi et on est arrivé au chapitre aujourd'hui, c'est babun fi ahkam salat al-aidain, c'est-à-dire un chapitre au sujet des règles de la prière des Eid al-Adha et Eid al-Fitr. Donc le cheikh il commence en disant salat al-aidain Eid al-Fitr wa Eid al-Adha مشروعية بالكتاب والسنة وإجماع المسلمين وقد كان المشركون يتخذون أعيادا زمانية ومكانية فأبطلها الإسلام وعوض عنها عيد الفطر وعيد الأضحى شكرا لله تعالى على أداء هاتين العبادتين العظيمتين صوم رمضان وحج بيت الحرام. Donc le cheikh il dit que les deux Eid, Eid al-Fitr et Eid al-Adha, sont légiférés par le Coran et par la Sunna et par le consensus des musulmans. Et les mushrikoun, avant l'islam, ils prenaient des jours et des endroits spécifiques dans lesquels ils faisaient des fêtes à des moments spécifiques de l'année et qui revenaient à chaque année. Et l'islam est venu pour annuler toutes ces fêtes qu'ils avaient. Et l'islam a remplacé ces fêtes par la fête de Eid al-Fitr et Eid al-Adha. Okay? Et ça, ces fêtes-là sont établies dans l'islam dans le but de remercier Allah subhanahu wa ta'ala pour nous avoir permis d'accomplir deux parmi les plus grandes formes d'adoration dans l'islam, c'est-à-dire le jeûne du Ramadan et le Hajj à la maison d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire al-Haram à Mecca. Donc, alhamdulillah, c'est une chose que le cheikh mentionne ici du fait que c'est une fête, ce sont des fêtes qui sont établies dans le but de remercier Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, c'est le contraire des fêtes des kuffars, étant donné que la plupart des kuffars, lorsqu'ils font des fêtes, eh bien, ils profitent de leur fête, non pas pour remercier Allah subhanahu wa ta'ala, mais pour désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala et commettre toutes sortes de péchés, yani, comme boire de l'alcool et faire de la musique et de la danse et se mélanger entre hommes et femmes et faire toutes sortes de perversités. Donc, alhamdulillah, dans l'islam, yani, nos fêtes sont établies dans le but de remercier Allah subhanahu wa ta'ala de nous avoir permis d'avoir fait des grandes formes d'adoration. الشيخ يقول وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما قدم المدينة وكان لأهلها يومان يلعبون فيهما قال صلى الله عليه وسلم قد أبدلكم الله بهما خيرا منهما يوم النحر ويوم الفطر. Donc le cheikh il dit qu'il a été rapporté authentiquement du prophète sallallahu alayhi wa sallam que lorsqu'il est venu à Médine, les gens de Médine avaient deux jours dans lesquels ils s'amusaient et le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a dit Allah subhanahu wa ta'ala vous a remplacé ces deux fêtes-là par deux qui sont meilleures encore, et c'est-à-dire le jour de An-Nahr, c'est-à-dire yani le jour de Eid al-Adha, lorsqu'on égorge le mouton, et Eid al-Fitr, c'est-à-dire le jeûne après le Ramadan. Et ça, c'est rapporté selon Anas par l'imam Ahmad et An-Nasa'i. Et le hadith dans Musnad de l'imam Ahmad, c'est le hadith 11945. Et le hadith dans An-Nasa'i, c'est le hadith 1555. Donc aujourd'hui, le chef il mentionne beaucoup de hadiths qui sont tirés de en dehors des masanides, c'est-à-dire dans Musnad al-Imam Ahmad, puis beaucoup de hadiths rapportés par Daraqutni et al-Bayhaqi, et puis j'ai pas les références pour ces hadiths-là, donc je vais vous donner seulement le hadith et les numéros, comme ça, si jamais c'est possible par la suite, vous pourrez essayer de retrouver les hadiths en question. Sinon, moi-même, j'essaierai de vérifier dans d'autres références si c'est possible de trouver ces hadiths-là, parce que j'ai pas ces livres-là sous la main, donc malheureusement, c'est pas possible pour moi de les vérifier. Le cheikh, il dit ensuite, فلا تجوز زيادة على هذين العيدين بإحداث أعياد أخرى كأعياد الموالد وغيرها لأن ذلك زيادة على ما شرعه الله وابتداع في الدين ومخالفة لسنة سيد المرسلين وتشبه بالكافرين سواء سميت أعيادا أو ذكريات أو أياما أو أسابيع أو أعواما كل ذلك ليس من سنة الإسلام بل هو من فعل الجاهلية وتقليد للأمم الكفرية من الدول الغربية وغيرها وقد قال صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم وقال صلى الله عليه وسلم إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة Donc ici le cheikh il dit qu'il n'est pas permis de rajouter à ces deux jours de fête d'autres fêtes, comme par exemple les fêtes de la naissance, des gens qui fêtent la naissance de quelqu'un, soit leur propre naissance, ou bien la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou bien la naissance d'un autre parmi les prophètes, comme Isa lorsque les chrétiens fêtent Noël, ou bien n'importe quelle autre naissance de quelqu'un. Que ce soit la naissance d'un soi-disant wali ou d'un sayyid ou peu importe le roi d'un pays ou le président ou le dirigeant, on n'a pas à fêter le jour de la naissance de quiconque. Et le cheikh il dit que également la raison pourquoi c'est interdit, c'est parce que c'est en contradiction avec ce que Allah subhanahu wa ta'ala a légiféré. Et c'est quelque chose que tu rajoutes à ce que Allah a ordonné. De même que les fêtes, par exemple, soit les fêtes nationales ou les fêtes d'indépendance ou les fêtes, par exemple, que des gens font, comme par exemple la fête des mères, la fête des pères, la Saint-Valentin, Pâques ou toutes les autres fêtes que les koufars ont inventées, hein, le jour par exemple du souvenir ou bien la semaine des par exemple, ils font une semaine pour célébrer l'enfance, ou bien une semaine pour l'éducation, ou bien ils font l'année de telle, en l'occasion de telle, à l'honneur de telle occasion, ou telle chose. Il y a de rendre spécifique une journée, ou une semaine, ou une année, ou soi-disant pour faire des souvenirs, ou des remembrance, comme on dit en anglais. Toutes ces choses-là, hein, comme ils disent, par exemple, ils font aussi Black History Month, le mois de l'histoire noire, ou des choses de ce genre. Toutes ces choses-là, yani, c'est des choses qui sont rajoutées, qui ne font pas partie de l'islam, et donc qu'on n'a pas le droit de célébrer. Et le cheikh, il dit donc que ça, c'est des innovations dans la religion, et que c'est en contradiction avec la sunna du meilleur des messagers et du maître des messagers, c'est-à-dire le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et en même temps c'est une imitation des kuffars, et peu importe qu'on les appelle fêtes ou non, c'est pas grave ça, tant que ça reste quelque chose qu'on fait chaque année à la même date, hein, et donc ça devient une fête, d'accord, et c'est considéré comme étant une bid'a. Peu importe qu'on les appelle des jours de souvenir, ou bien des jours, ou bien des semaines, ou bien des années, qu'on spécifie, comme j'ai dit tout à l'heure, pour des choses, tout ça, ça n'a rien à voir avec la voie de l'islam. Et ça fait partie en réalité des actions pré-islamiques qui font partie de la Jahiliya, et ça fait partie également de suivre les peuples mécréants parmi les nations occidentales et autres. Et donc le cheikh il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a rapporté dans un hadith qui est authentique, celui qui essaie de ressembler à un peuple, celui qui essaie de ressembler à un peuple, alors il est un des leurs. Et ça c'est rapporté selon Ibn Omar dans Musnad de l'imam Ahmad, le hadith 5115, et selon Abu Dawood, le hadith 4031. Et ce hadith-là, je sais qu'il est authentique parce que il est mentionné souvent et puis j'ai déjà vérifié. Ensuite, il mentionne un autre hadith qui est aussi authentique, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ça c'est dans Khutbatul Haja, hein, le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait la meilleure parole est le livre d'Allah et la meilleure guidance est la guidance de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et la pire des affaires et les pires des affaires sont les choses qui sont inventées et tout ça c'est des innovations égarées, hein, et toute innovation est égarement. Ça c'est rapporté par l'imam Muslim selon Jabir. Et le cheikh il dit wa nas'alullah an yuriyana al-haqqa haqqan wa yarzuqna ittiba'a wa an yuriyana al-batila batilan. Donc le cheikh dit on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous montrer la vérité comme telle et de nous permettre de la suivre, et de nous montrer le mensonge comme tel et de nous permettre de nous en écarter. Ensuite il dit وَسُمِّيَ الْعِيدْ عِيدًا لِأَنَّهُ يَعُودْ وَيَتَكَرَّرُ كُلْ عَامْ. Donc après il dit وَلِأَنَّهُ يَعُودُ بِالْفَرْحِ وَالسُّرُورِ ويعود الله بالإحسان على عباده على إثر أدائهم لطاعته بالصيام والحج. Donc le cheikh il dit que pourquoi on a appelé la fête Eid, c'est parce que le mot Eid ça vient de Ya'oud, ça veut dire quelque chose qui revient et qui se répète tout le temps à chaque année. Donc c'est de là que ça vient le mot Eid, ça veut dire de quelque chose qui se répète constamment ou chaque année. Et il dit parce que ça revient à chaque fois avec la joie et la réjouissance, et donc ça revient de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala comme étant une bonté pour ses serviteurs après qu'ils aient accompli son obéissance. Et il dit donc après avoir fait le jeûne et après avoir fait le hajj. Ensuite le cheikh il dit wa dalilu ala mashru'iyyati salat al-eid qawluhu ta'ala fasalli li rabbika wanhar wa qawlihi ta'ala qad aflaha man tazakka wa dhakara isma rabbihi fasalla. Donc le cheikh il dit que la preuve de la du fait que c'est permis et que c'est commandé de faire les Eid, Eid al-Adha et Eid al-Fitr, c'est les versets dans le Coran. Le cheikh il mentionne le verset 2 dans sourate Kawthar, qui dit et établis la salat pour ton Seigneur et sacrifie yani, ou bien égorge. Donc ça c'est pour parler de la fête de Eid al-Adha, parce qu'on égorge. Et ensuite il mentionne le verset 14 et 15 dans Al-A'la, et ça dit celui qui s'est purifié a certes eu le succès, et celui également qui a mentionné le nom de son Seigneur ou qui s'est souvenu du nom de son Seigneur et qui a établi la salat. Le cheikh il dit وكان النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء من بعده يداومون عليها. Donc le cheikh il dit que le prophète صلى الله عليه وسلم ainsi que ses khulafa, ses successeurs après lui, ont toujours continué à le faire. Et le cheikh il dit que ça on le connaît en suivant tous les textes qui ont été rapportés à ce sujet-là, et on voit donc que c'est quelque chose qui a persisté ou qui a continué après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, même chez les sahaba et les khulafa, etc. Ensuite le cheikh il dit وَقَدْ أَمَرَ النَّبِيُّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمْ بِهَا حَتَّى النِّسَاءِ فَيَسُنُّ لِلْمَرْأَ حَدُورُهَا غَيْرَ مُتَطَيِّبَاتِ غير متطيبة ولا لابسة لثياب زينة أو شهرة، لقوله عليه الصلاة والسلام: وليخرجن تفلات يعتزلن الرجال ويعتزل الحيض المصلى ويعتزل الحيض المصلى. Donc il dit que même les femmes ont été ordonnées d'assister à la prière de l'Aïd, et c'est recommandé, ou bien c'est une sunna du fait que les femmes assistent à la prière de l'Aïd, et qu'elles ne doivent pas se parfumer ni porter des vêtements de décoration, des beaux vêtements, ou bien des vêtements de yani pour se faire remarquer, des vêtements de shohra, c'est-à-dire pour faire parler d'elle, yani. Et le cheikh il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: et qu'elle sorte sans parfum, et qu'elle s'écarte des hommes, et que les femmes qui ont leurs règles s'éloignent de l'endroit où prient les gens. Donc ça veut dire, si les femmes qui sortent, même quand elles ont leurs règles, elles viennent pour la prière de l'Aïd, et elles restent assises en arrière, et elles écoutent et elles regardent, mais elles ne participent pas à la prière, donc elles restent en arrière. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le cheikh il mentionne un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui est rapporté par Atiyah. Le hadith que j'ai mentionné là maintenant sur à propos de faire sortir les femmes, celui-là c'est un hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim, donc il est authentique. Et le prochain également, celui de Atiyah radiyallahu anha, il dit: kunna nu'maru an nakhruja yawm al-Aid حتى تخرج البكر من خدرها وحتى تخرج الحيض فيكون خلف الناس وليكبرنا بتكبيرهم ويدعونا بدعائهم يرجون بركة ذلك اليوم وطهرته. Donc ici le cheikh il mentionne dans ce hadith rapporté par Atiyah radiyallahu anha que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, en fait c'est elle qui rapporte que on était commandé de sortir le jour de l'Aïd, même les femmes qui étaient vierges, les jeunes filles vierges sortaient de leur chambre, elles assistaient à la prière de l'Aïd. Également les femmes qui avaient leurs règles ce jour-là, elles venaient et elles restaient assises derrière, et elles faisaient le takbir avec les autres qui font le takbir, hein, en disant Allahu Akbar, Allahu Akbar, hein, et elles faisaient le dua avec le dua des musulmans également, et elles espéraient la bénédiction de ce jour-là ainsi que sa pureté. Donc ça c'est rapporté également par Al-Bukhari et Muslim, et ça nous montre que yani, l'importance de ce jour-là, et que même les femmes doivent sortir, c'est-à-dire même celles qui sont vierges, qui sont jeunes, ou bien les femmes âgées, et les femmes qui ont leurs règles, elles sortent également. Ensuite, le cheikh il dit, donc, en passant, avant de passer par-dessus, c'est que, on sait que pour les hommes, bon, c'est une sunna de se mettre nos plus beaux vêtements ce jour-là, le jour de l'Aïd. Et qu'est-ce qui se passe parfois, c'est que les femmes, on dirait que parfois certaines femmes, elles ont l'impression que ça concerne les femmes également, c'est-à-dire elles mettent leurs plus beaux vêtements pour sortir pour aller à la prière, et ça c'est pas correct parce que c'est interdit pour une femme d'exhiber ses atours et de montrer ses beaux vêtements. Donc qu'est-ce qu'elle fait? Si elle sort, elle met le djilbab par-dessus ses vêtements pour pas que justement elle cause la fitna en sortant de chez elle. Et le cheikh il dit: والخروج لصلاة العيد وأداء صلاة العيد على هذا النمط مشهود من الجميع فيه إظهار لشعار الإسلام فهي من أعلام الدين الظاهرة. Donc le cheikh il dit, le fait que tout le monde sorte de cette manière pour établir la prière de l'Aïd de cette manière, yani, et que tout le monde est là présent et qui sont témoins de qu'est-ce qui se passe, il dit que ça fait partie de l'expression d'un des plus grands parmi les rites de l'islam, et ça montre en même temps les, c'est un des plus grands signes apparents de la présence de la religion. Et le cheikh il dit وأول صلاة صلاها النبي صلى الله عليه وسلم للعيد يوم الفطر من السنة الثانية من الهجرة ولم يزل صلى الله عليه وسلم يواظب عليها حتى فارق الدنيا صلوات الله وسلامه عليه. Le cheikh il dit la première salat Eid de Eid que le prophète صلى الله عليه وسلم a prié, c'est l'Eid al-Fitr de la deuxième année après le Hijra. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a continué à toujours à accomplir ça et à garder cette sunna jusqu'à ce qu'il a quitté cette dunya, hein, que le salut et la paix d'Allah soient sur lui. Ensuite le cheikh il dit wastamarra alayha al-muslimuna khalfan an salafin falaw tarakaha ahlu baladin ma istikmali shurutiha fihim qatalahum al-imam لأنها من أعلام الدين الظاهرة كالأذان. Donc le cheikh il dit que cette sunna elle a continué parmi les musulmans de génération en génération, et donc le cheikh il dit que si les gens d'une contrée ou d'un pays les gens d'un pays ou d'une région qui ont accompli ou qui ont respecté, c'est-à-dire ils ont toutes les conditions présente pour pouvoir faire la prière de l'Aïd, toutefois ils l'abandonnent malgré qu'ils ont tout ce qu'il faut pour le faire, et bien dans ce cas-là, le cheikh il dit que l'imam, le dirigeant des musulmans, a le droit de les combattre parce que ça fait partie des signes apparents de la religion comme le adhan. Et donc si une contrée a abandonné l'adhan par exemple, ça aussi c'est une des choses qui fait en sorte que l'imam a le droit de les combattre pour qu'ils reviennent, jusqu'à ce qu'ils reviennent à cet aspect de l'islam qu'ils ont abandonné. Ok. Ensuite le cheikh il dit وَيَنْبَغِي أَن تُؤَدَّى صَلَاتُ الْعِيدِ فِي صَحْرَاءٍ قَرِيبَةٍ مِنَ الْبَلَدِ لِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّي الْعِيدَيْنِ في المصلى الذي على باب المدينة فعن أبي سعيد كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج في الفطر والأضحى إلى المصلى متفق عليه. Donc le cheikh il dit qu'il est nécessaire ou bien il faut que la prière de Eid soit accomplie dans un endroit désert près de la ville, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il faisait l'Aïd, il le priait dans un endroit désert qui était à l'entrée de Al-Madina, à la Bab Al-Madina, hein? Et donc il dit, il rapporte selon Abi Saïd que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il sortait dans la prière de Al-Fitr, l'Aïd Al-Fitr et Aïd Al-Adha, il sortait en dehors de la ville pour faire ces deux prières-là. Et ça, c'est un hadith qui est rapporté par Al-Bukhari et Muslim, comme j'ai dit tout à l'heure. Donc, la sunna, c'est pas de faire la prière de Eid à l'intérieur dans les mosquées, mais c'est plutôt de faire la prière à l'extérieur des mosquées, c'est-à-dire dans des endroits qui sont ouverts, dans des endroits, dans un endroit grand et vaste qui est désert. On peut se réunir là-bas et on fait la prière. Et ça, c'est une sunna. Et puis, ici, des fois, quand c'est l'hiver, bien entendu, c'est difficile parce que justement, il y a de la neige et il y a toutes sortes de problèmes qui nous empêchent parfois. Toutefois, c'est une sunna qui serait bien de faire revivre dans les pays musulmans et dans les pays non musulmans également, excepté, à Mecca et à Medina, parce que là-bas, c'est des endroits spécifiques comme à cause de la récompense de prix dans Al-Haram, Al-Mekk et Al-Madina. Mais yani, parce que là-bas ils font l'Eid dans la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et à Mecca ils le font également dans Al-Masjid Al-Haram. Toutefois yani, Allahu A'lam, le cheikh il dit ça donc. Et puis en ce qui concerne ici dans les pays de occidentaux, yani comme le Canada et Europe, bon, à cause du climat, des fois, c'est pas toujours possible. On sait jamais quand est-ce qu'il va pleuvoir, quand est-ce qu'il va neiger ou des choses comme ça. Mais si c'est possible, par exemple, de s'organiser pour pouvoir faire ça à l'extérieur, même en mettant, par exemple, des parasols ou je sais pas, quelque chose comme ça, pour empêcher la pluie s'il y a de la pluie, yani, c'est une bonne chose de faire ça comme ça, parce que ça nous rapproche de la sunna. Plutôt que de louer des salles et de dépenser de l'argent, on peut comme prendre un espace et puis faire l'aïd là-bas. Donc ça c'est quelque chose de bien, inshallah. Après le cheikh il dit وَلَمْ يُنْقَلْ أَنَّهُ صَلَّاهَا فِي الْمَسْجِدِ لِغَيْرِ عُذْرٍ وَلِأَنَّ الْخُرُوجَ إِلَى الصَّحْرَاءِ أَوْقَعُوا لِهَيْبَةِ الْإِسْلَامِ وَالْمُسْلِمِينَ وَأَظْهَرُوا لِشَعَائِرِ الدِّينِ وَلَا مَشَقَّةَ فِي ذَلِكَ لِعَدَمِ تَكْرِيرِهِ لعدم تكريره بخلاف الجمعة وإلا في مكة المشرفة لأنها تصلى في المسجد الحرام. Donc le cheikh il dit que ça n'a pas été rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a prié l'Aïd dans la mosquée excepté pour une excuse. Et le cheikh il dit que il est toujours sorti vers le désert ou des endroits déserts, et ça c'est mieux parce que ça montre la grandeur de l'islam et le nombre des musulmans, et donc ça inspire le respect, et c'est quelque chose qui montre en même temps un des plus grands rituels de l'islam, et il n'y a aucune difficulté là-dedans parce que c'est pas quelque chose qui se reproduit à chaque vendredi comme le Jumu'a par exemple, mais ça arrive juste une ou deux fois par année, donc c'est pas quelque chose qui complique trop la vie des musulmans. Et donc il n'y a aucune difficulté là-dedans. Excepté, comme j'ai dit tout à l'heure, à Mecca, parce que on l'a pris là-bas dans la mosquée sacrée, yani, dans le Masjid al-Haram. Ensuite, il dit ويبدأ وقت صلاة العيد إذا ارتفعت الشمس بعد طلوعها قدر رمح لأنه الوقت الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها فيه ويمتد وقتها إلى زوال الشمس. Le cheikh il dit que la prière de Eid commence lorsque le soleil s'est élevé et après que le soleil se soit élevé. Oui, c'est ça. Après que le soleil se soit élevé de la distance d'une lance environ, au-dessus de l'horizon. Et il dit que ça c'est le temps dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait l'habitude de prier la prière de Eid, et que son temps continue jusqu'à ce que le soleil atteigne son zénith dans le ciel. Après le cheikh il dit فَإِنْ لَمْ يُعْلَمْ بِالْعِيدِ إِلَّا بَعْدَ الزَّوَالِ صَلُّوا مِنَ الْغَدْ قَضَاءً. Le cheikh il dit que si les gens n'ont pas appris que c'était l'Aïd excepté après que le soleil ait atteint son zénith dans le ciel, et bien dans ce cas-là les gens vont prier le lendemain qada'an, c'est-à-dire en remplacement ou pour remplacer cette prière d'Aïd qu'ils n'ont pas fait ce jour-là. Le cheikh il mentionne, il dit لما روى أبو عمير ابن أنس عن عمومة عن له من الأنصار عن عمومة له من الأنصار قالوا غم علينا هلال شوال فأصبحنا صياما فجاء ركب في آخر النهار فشهدوا أنهم رأوا الهلال بالأمس فأمر النبي صلى الله عليه وسلم الناس أن يفطروا من يومهم وأن يخرجوا غدا لعيدهم. Donc ça c'est apporté par Ahmed, رواه أحمد وأبو داود والدارقطني. Le cheikh il dit ici que si les gens n'ont pas appris au sujet du Eid excepté après le zénith comme on a dit tout à l'heure, ils font leur prière de Eid le lendemain. Ça c'est rapporté dans le hadith selon Anas, Umair ibn Anas, d'un groupe des Ansar, lorsqu'ils ont dit qu'ils n'avaient pas vu le Hilal, c'est-à-dire ils n'ont pas vu le croissant de lune de Shawwal. Pourquoi? Parce qu'il y avait des nuages ce jour-là, donc ils se sont réveillés et ils ont jeûné comme d'habitude. Et là, il y a des gens qui sont arrivés, ils sont arrivés de voyage et ils étaient sur leur monture et eux, ils sont arrivés vers la fin de la journée. Alors ils ont témoigné qu'ils avaient vu le hilal depuis le jour avant. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné les sahaba de briser leur jeûne ce jour même, et il leur a commandé également de sortir pour la prière de Eid le lendemain. Et ça c'est rapporté, comme j'ai dit, par Abu Dawood, c'est le hadith 1157, An-Nasa'i, le hadith 1556, Ibn Majah, le hadith 1603, et Ad-Darqutni, le hadith 2183. Ensuite, le cheikh il dit wa hassanahu, Ad-Darqutni l'a déclaré hassan, et il dit wa sahahahu jama'atun min al-huffaz, dit qu'un groupe parmi les huffaz l'ont déclaré sahih. Il dit falaw kanat tu'adda بعد الزوال لما أخر النبي صلى الله عليه وسلم إلى الغد لأن صلاة العيد شرع لها الاجتماع العام فلا بد أن يسبقها وقت يتمكن الناس من التهيؤ لها. Okay. Donc le cheikh il dit que si la prière de Eid, on pouvait la faire après le zénith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne l'aurait pas retardée au lendemain. Parce que la prière de Eid, elle a été établie et légiférée par Allah subhanahu wa ta'ala et son messager, parce que le but de cette prière-là, c'est de réunir les gens, c'est de faire une sorte de réunion générale des musulmans. Et donc, il faut absolument que son temps et sa venue soient annoncé en avance, et qu'il y ait un temps qui permet aux gens de se préparer comme il faut pour cette prière-là. Ensuite, il dit wa yusannu taqdimu salat al-adha wa ta'khiru salat al-fitr lima rawa al-Shafi'i mursalan anna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam kataba ila Amr ibn Hazm أن عجل الأضحى وأخر الفطر وذكر الناس عجل الأضحى وأخر الفطر وذكر الناس وليتسع وقت التضحية بتقديم الصلاة في الأضحى الوقت لإخراج زكاة الفطر قبل صلاة الفطر. نعم. Donc le chef ici, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que parmi les sunnah, c'est bon de faire la prière de Eid al-Adha le plus tôt. Naam, de faire salat Eid al-Adha plus tôt, et de faire la prière de Eid al-Fitr un peu plus tard. C'est une sunnah de faire précéder la prière de al-Adha et de retarder la prière de salat al-Fitr. Parce que l'imam Shafi'i a rapporté hadith de façon mursal, c'est-à-dire, yani, si je me souviens bien, al-mursal c'est le hadith qui... j'ai oublié, Allah al-Musta'an. Mais je pense que c'est le hadith qui manque, le compagnon n'est pas mentionné dedans, quelque chose comme ça. Mais donc, là, c'est un hadith daïf de toute façon. Le cheikh il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a écrit une lettre à Amr ibn Hazm. Fais la prière de Al-Adha plus tôt et fais la prière de Al-Fitr plus tard et fais un rappel pour les gens. Et ensuite, il a dit que il faut que le temps soit plus large pour que les gens soient capables d'égorger. Donc, il faut faire précéder la prière lorsque c'est Al-Adha, c'est-à-dire il faut la faire plus tôt. Et quand c'est la prière de Zakat al-Fitr, eh ben, c'est mieux de donner le temps aux gens avant la prière de Fitr, parce que yani, c'est après le Ramadan, donc les gens mangent avant de sortir. Ok, donc c'est ça, c'est l'explication. Puis en ce qui concerne cette citation là ou cette parole là, il dit que en fait le Cheikh Al-Albani a déclaré cette citation là comme étant da'if jiddan dans Al-Irwa Al-Ghalil. C'est le hadith numéro 633 dans Irwa Al-Ghalil, volume 3, page 101 et 102. D'accord, donc vous pouvez vérifier à ce sujet là. Ok, ensuite maintenant je vais lire l'autre passage, c'est وَيَسُنُّ أَنْ يَأْكُلَ قَبْلَ الْخُرُوجِ لِصَلَاةِ الْفِطْرِ تَمَرَاتِ وَلَا يَطْعَمْ يَوْمِ النَّحْرِ حَتَّى يُصَلِّي لِقَوْلِ بُرَيْدَةَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَخْرُجُ يَوْمَ الْفِطْرِ حَتَّى يُفْطِرَ وَلَا يَطْعَمُ يَوْمَ النَّحْرِ حَتَّى يُصَلِّي. Ok, رواه أحمد وغيره. Le Cheikh il dit que c'est une sunna de manger avant de sortir pour la prière de Fitr, c'est-à-dire de manger quelques dattes, et avant la prière de An-Nahar, c'est-à-dire le jour de Al-Adha, lorsqu'on va égorger le mouton, il dit que on ne mange pas avant d'avoir fait la prière et avant d'avoir égorgé. Ça c'est basé sur les paroles de Buraïda, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il ne sortait pas le jour de Al-Fitr avant d'avoir brisé le jeûne, c'est-à-dire avant d'avoir mangé, et il ne mangeait pas le jour de An-Nahr, c'est-à-dire le jour de Eid al-Adha, il ne mangeait pas avant d'avoir prié. Et ça c'est rapporté par Ahmad et d'autres. Et en fait c'est rapporté par Ahmad, c'est le volume 5, page 352. Ibn Majah, c'est le hadith 1756, At-Tirmidhi 532 et Ibn Khuzaymah 1426. Non. Donc pardon, je m'excuse juste un instant. Ok. Ensuite, le Cheikh il dit, قال الشيخ تقي الدين لما قدم الله الصلاة على النحر قال في قوله فصل لربك وانحر وقدم التزكي على الصلاة في قوله تعالى قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى كانت السنة أن الصدقة قبل الصلاة في عيد الفطر وأن الذبح بعد الصلاة في عيد النحر. Donc le Cheikh ici il mentionne les paroles de Cheikh Taqiyuddin. Taqiyuddin c'est Ibn Taymiyyah. Et qu'est-ce qu'il dit Ibn Taymiyyah ici? Il dit que lorsque Allah subhanahu wa ta'ala a fait précéder la salat au fait d'égorger, dans la parole dans surat al-Kawthar, le verset 2, lorsqu'il dit « et établis la salat pour ton Seigneur et égorge », hein, et dans l'autre verset, dans surat Al-A'la, versets 14 et 15, Allah subhanahu wa ta'ala a fait précéder la zakat devant la prière en disant qad aflaha man tazakka, c'est-à-dire celui qui s'est purifié a certes eu le succès. Puis bien entendu la zakat ça veut dire la purification, mais ça veut aussi dire de donner la zakat al-fitr aussi. Et donc il dit ici que c'est donc étant donné qu'Allah a fait précéder la zakat à la prière dans ce verset-là, ça montre que la sunna, c'est la sunna de la sadaqa, c'est avant la prière de l'Aïd, et la sunna de égorger, c'est après la prière de Eid al-Nahr. Donc avant Eid al-Fitr, on donne la zakat al-Fitr, et avant la prière de Eid al-Adha, après la prière de Eid al-Adha, on égorge. Comme ça a été mis dans, comme l'ordre dans lequel c'est mentionné, dans les versets que le cheikh a mentionné ici. Après il dit wa yusannu at-tabkir fi al-khuruj li salat al-Eid li yatamakkana min ad-dunuw min al-imam wa tahsulu له فضيلة الانتظار انتظار الصلاة فيكثر ثوابه. Le cheikh il dit que c'est une sunnah d'arriver tôt, de sortir tôt pour la prière d'Aïd, comme ça tu peux être proche de l'imam et tu peux avoir le mérite d'attendre la prière, et donc ça, ça fait augmenter ta récompense. ويسن أن يتجمل المسلم لصلاة العيد ولبس أحسن الثياب لحديث جابر كانت للنبي صلى الله عليه وسلم جبة يلبسها في العيدين ويوم الجمعة رواه ابن خزيمة في صحيحه. Donc le cheikh il dit que c'est une sunna de s'embellir, que le musulman soit beau pour la prière de Eid, hein, et il porte ses plus beaux vêtements. Ça c'est basé sur le hadith de Jabir, dans lequel il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il avait un manteau, il ne le portait que pour les deux Eid et pour le Jumu'ah, et ça c'est rapporté par Ibn Khuzayma dans son Sahih. Il dit donc c'est dans Ibn Khuzayma le hadith 1766. وعن ابن عمر أنه كان يلبس في العيدين أحسن ثيابه رواه البيهقي بإسناد جيد. Donc le cheikh il mentionne ici un autre fait qui est attribué à Ibn Omar, et ça dit que il portait pour le jour de Eid ses plus beaux vêtements, et ça c'est rapporté selon Al-Bayhaqi avec une bonne isnad. Et yani, donc si c'est authentique, ça voudrait dire que yani, c'est quelque chose qui fait partie de la sunna. Parce que à cause des hadiths qu'on a mentionné, puis aussi à cause du fait que Ibn Omar aimait beaucoup imiter le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans tous les points, et même parfois il dépassait même la limite. Parfois, il suivait même le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans des choses qui n'étaient même pas nécessairement commandées ou qui ne faisaient pas nécessairement partie de l'adoration. Donc, il y a ce point-là. Puis ensuite, qu'est-ce qu'il dit Ah oui, ça c'est dans Al-Bayhaqi, le hadith c'est 6143. Ensuite, le cheikh dit ويشترط لصلاة العيد الاستيطان بأن يكون الذين يقيمونها مستوطنين في مساكن مبنية بما جرت العادة بالبناء به كما في صلاة الجمعة فلا تقام صلاة العيد إلا حيث يسوغ إقامة الجمعة لأن النبي صلى الله عليه وسلم وافق العيد في حجته ولم يصليها وكذلك خلفاؤه من بعده. Donc le cheikh il dit que comme condition pour la salat de l'Aïd, c'est d'être résident de la ville, donc il ne faut pas être voyageur, sinon c'est pas obligatoire. Et également le cheikh il dit que ceux qui il faut que ce soit établi par les gens qui sont résidents de cette ville-là et qui vivent dans une ville où il y a des maisons qui sont bâties, hein, comme c'est l'habitude selon la construction selon les bâtiments. C'est pas important dans le sens que c'est pas important la matière, le matériel dans lequel les maisons sont bâties, tant que ce sont des maisons qui sont fixes et où les gens habitent, même si c'est des maisons en bois ou en ciment ou en béton ou d'autres formes d'habitation comme de la terre ou de la boue, etc. Mais l'important c'est que ce soit des maisons qui sont fixes et non pas des tentes ou des habitations qui sont disons comme des habitations des nomades qui se déplacent d'une place à l'autre et qui n'ont pas un endroit fixe. Donc, yani, pour ces gens-là, les gens qui habitent dans ces villes-là, qui ont des maisons comme ça, qui sont fixes, ils doivent faire l'Aïd. C'est obligatoire pour eux. Comme la prière de Jumu'ah, comme on a mentionné la semaine passée. Et le cheikh, il dit que les gens, ils doivent établir la... yani... C'est ça. Il dit qu'on n'établit pas la prière d'Aïd, ou la prière d'Aïd n'est pas obligatoire, excepté pour ceux pour qui la prière de Jumu'ah est obligatoire. Donc c'est la même chose. Et il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a établi ça parce que le fait, comme par exemple, la preuve de ça, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans son hajj, il l'a fait en même temps. Et quand il y a eu le jour d'Aïd dans le hajj, il n'a pas fait la prière d'Aïd, donc ni non plus ses compagnons. Donc ça prouve que lorsque tu es en voyage, hein, eh ben tu fais pas la prière d'Aïd comme c'était le cas lorsqu'il a fait le hajj. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam était en voyage. Ensuite, le cheikh il dit: wa salatul Eid rak'atan qabla al-khutbah, qabla al-khutbah. لقول ابن عمر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وابو بكر وعمر وعثمان يصلون العيدين قبل الخطبة متفق عليه. Donc c'est un hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Et dans ce hadith là, le prophète, le cheikh il dit en premier que la prière de Eid, c'est deux rak'at qu'on fait avant le khutba, et ça c'est mentionné selon Ibn Omar. Il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ainsi que Abu Bakr, Omar et Othman, ils priaient, ils faisaient la prière avant de faire la khutba. Ils faisaient la prière de Eid avant de faire la khutba. Donc c'est le contraire de la prière de vendredi, Jumu'ah. On fait pas la khutba avant, fait la khutba après la prière dans l'Aïd. Le cheikh il dit: وقد استفاضت السنة بها بذلك وعلى عامة أهل العلم وقال الترمذي والعمل عليه عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أن صلاة العيدين قبل الخطبة. Donc le cheikh il dit que la sunna est remplie de preuves de ça. Et tous les ulama sont d'accord là-dessus, et l'imam At-Tirmidhi a dit que d'agir selon cette sunna, c'est ça que tous les ulama ont fait, ainsi que les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam et d'autres. Ils ont toujours fait la prière de Eid, les prières de Eid avant de faire la khutbah. Ensuite le cheikh il dit: wa hikmatu ta'khir al-khutbah an salat al-Eid وتقديمها على صلاة الجمعة أن خطبة الجمعة شرط للصلاة والشرط مقدم على المشروط بخلاف خطبة العيد فإنها سنة. Donc le cheikh il dit que la prière de l'Aïdain, des deux Eid, de faire les deux Eid, pourquoi on les fait? Il dit pourquoi, c'est quoi la sagesse de retarder la khutbah dans la prière de Eid, tandis que dans la prière de Jumu'ah, on fait la khutbah avant. Donc c'est quoi la sagesse de la faire après dans la prière de l'Eid? Il dit que le khutbah le vendredi, c'est une condition pour la prière. Il dit qu'on fait toujours passer la condition avant la chose pour laquelle on fait la condition, et contrairement donc à la prière de Eid qui est une sunna uniquement, c'est pas obligatoire d'assister à la khutba ou au discours de l'Eid. D'accord, donc dans ce cas-là c'est pour ça qu'on le fait après, tandis que bon, c'est ça. Il dit ensuite: وصلاة العيدين ركعتان بإجماع المسلمين وفي الصحيحين وغيرهما عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى يوم الفطر ركعتين ولم يصلي قبلهما ولا بعدهما. وقال عمر صلاة الفطر والأضحى ركعتان تمام غير قصر على لسان نبيكم صلى الله عليه وسلم وقد خاب من افترى رواه أحمد وغيره. Donc le cheikh ici il dit que la prière des deux Eid sont de deux rak'at, et ça tous les savants sont d'accord là-dessus, il y a l'unanimité, le consensus là-dessus, et c'est basé sur la preuve de ça, c'est dans Sahihayn, dans le Bukhari Muslim, selon Abdullah ibn Abbas radiallahu anhuma, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a prié la prière de Eid al-Fitr deux rak'at, et avant et après il n'a rien fait, il n'a pas fait d'autres prières ni avant ni après. Ok, donc c'est deux rak'at seulement qu'on doit faire pour l'Aïd. Et après il a dit que Omar ibn al-Khattab, il a dit que la prière de Eid al-Fitr et al-Adha c'est de deux rak'at, et quand on les a fait deux rak'at, eh ben c'est comme si on a prié la prière complète. Ça c'est expliqué, il dit que ça c'est venu de la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et celui qui ment, eh bien, certes, il a menti, hein, et il sera perdant. Non, donc, ça c'est rapporté par Ahmad, le hadith 257, et An-Nasa'i 1419, et Ibn Majah 1063 et 1064. D'accord. Ensuite, le cheikh dit ولا يشرع لصلاة العيد أذان ولا إقامة غير مرة ولا مرتين فبدأ بالصلاة قبل الخطبة بغير أذان ولا إقامة. Donc le cheikh il dit ici que il n'y a pas d'adhan ni d'iqama pour la prière d'Aïd, comme c'est mentionné selon Jabir dans un hadith rapporté par l'imam Muslim, qui dit que Jabir a dit qu'il a prié avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour la prière d'Aïd plus qu'une fois et plus que deux fois, yani, donc il a prié plusieurs fois, et le prophète il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a commencé la khutba sans faire de adhan, sans faire de iqama. D'accord? Et ça, c'est, comme j'ai dit, rapporté selon Muslim. Ensuite, il dit, wa yukabbiru fi rak'ati al-ula ba'da takbirati al-ihram wal-istiftah wa qabla at-ta'awudh wal-qira'a sita takbirat. قبل التعوذ والقراءة ست تكبيرات تكبيرة الإحرام ركن لأن من لا بد منها ولا تنعقد الصلاة بدونها وغيرها من التكبيرات سنة ثم يستفتح بعدها لأن الاستفتاح في أول الصلاة ثم يأتي التكبيرات الزائدة الستة ثم يتعوذ عقب التكبير السادسة لأن التعوذ للقراءة فيكون عندها ثم يقرأ. Donc le cheikh ici il dit que il faut faire le premier takbir, parce que ça c'est takbiratul ihram, et il faut faire l'istiftah, c'est-à-dire le doua qu'on fait avant de commencer, et puis après il dit on fait l'istiftah, donc on commence, on dit Allahu Akbar et on fait le doua de l'istiftah, hein, et après ça on fait 6 takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ensuite le premier takbir, celui qu'on a fait en premier, ça c'est un pilier, takbiratul ihram, et donc c'est obligatoire. Et la prière sans le takbiratul ihram, elle ne compte pas. Et les autres takbirs qu'on fait par la suite, c'est sunnah. C'est pas obligatoire de les faire. Et le cheikh dit donc, qu'est-ce qu'il veut dire après? C'est que le takbir, le premier, c'est un pilier, puis les autres sont sunna seulement. Donc, quand t'as fini de faire ton premier takbir, takbiratul ihram, là tu fais l'istiftah, après tu fais les 6 takbir, ok, puis là après tu fais a'udhu billahi minash shaitanir rajim, et là après tu commences bismillah ar-rahman ar-rahim et al-fatiha, ok. Donc ça c'est ça que le cheikh explique. Ensuite il dit wa yukabbiru fi ar-rak'ati ath-thaniyah قبل القراءة خمس تكبيرات غير تكبيرة الانتقال لما روى أحمد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم كبر في عيد ثنتي عشرة تكبيرة سبعا في الأولى وخمسا في الآخرة. Naam. Donc le cheikh ici il dit que l'imam, qu'est-ce qu'il fait? Il fait le takbir dans la deuxième raka. Dans la deuxième raka, il fait le takbir avant de réciter encore une fois. Donc il fait quoi? Il fait 5 takbirs après avoir fait le takbir pour se relever de après avoir fini les 2 prosternations, il se relève, donc il fait takbir pour se relever. Et une fois qu'il est debout, là il fait 5 takbir encore. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Puis là, il commence à réciter Al-Fatiha. Le cheikh il dit que ça s'est rapporté selon Ahmad ibn Amr, par l'imam Ahmed, selon Amr ibn Shu'ayb, selon son père, selon son grand-père. Et il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait le takbir de l'Aïd, 12 takbir. Il a fait en tout 12 takbir, 7 dans le premier et 5 dans la deuxième. Et ça, il dit que c'est une isnad qui est hassan. C'est rapporté selon Ahmed, Abu Daoud. Ahmed, c'est le hadith 6688. Abu Daoud, c'est le hadith 1151, et Ibn Majah, c'est le hadith 1287, et Ad-Darqutni, 1278, et Ad-Darqutni, c'est le hadith 1712. Et c'est une, ouais, c'est ça, il a dit que c'est Hassan. Ensuite, il dit, wa ruya ghayru dhalika fi adad at-takbirat. قال الإمام أحمد اختلف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في التكبير وكله جائز. الشيخ il dit que il y a d'autres choses qui a été rapportées au sujet du nombre des takbirs qu'on fait le jour de l'Aïd, et l'imam Ahmed a dit que les compagnons du prophète صلى الله عليه وسلم ont été en désaccord au sujet des takbirs, mais il dit que tout est permis, tout ça c'est permis. Ensuite il dit ويرفع يديه مع كل تكبيرة لأنه صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه مع التكبير. Il dit que il relève ses mains avec chaque takbir qu'il fait, parce que le prophète صلى الله عليه وسلم relevait ses mains avec le takbir. Et ça c'est rapporté par Al-Bayhaqi selon Ibn Umar رضي الله عنه. Il mentionne ici volume 3 page 293. Ok. Je crois que on va s'arrêter ici. Puis on va continuer inchallah demain, parce que cette partie-là est assez longue. Donc on a lu environ la moitié de qu'est-ce qui a été rapporté au sujet de Eid, la prière de Eid. Et demain on va continuer la suite inchallah. On va s'arrêter donc maintenant inchallah. Subhanakallah wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk, wa barakallahu fikum, wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.